Donc, ces travaux que nous allons vous présenter s'inscrivent dans la lignée des recherches conduites depuis les années 80 sur la dynamique des peuplements et des territoires antiques dans le sud de la France, dans le cadre notamment du programme Archéomédès, des deux programmes Archéomédès dans les années 90 à 98, qui ont été ensuite élargis à partir de 2005 à d'autres régions du centre de la France dans le cadre du programme Archédine. Ces recherches ont pour objectif d'identifier, à partir de données issues de prospections archéologiques de surface, la manière dont les espaces ruraux ont été occupés et leur évolution dans la longue durée. Les vestiges recueillis en surface permettent de dater les sites repérés et d'identifier avec plus ou moins de précision leurs fonctions. Donc, cette documentation nous permet de dresser des cartes d'occupation du sol à différentes périodes et de percevoir ainsi l'évolution du peuplement en termes d'intensité, de forme de l'habitat et d'organisation dans l'espace. Conduite à l'échelle micro-régionale pour des raisons de collecte de la documentation archéologique, l'analyse se développe au niveau interrégional de manière à confronter les situations locales et d'identifier ainsi les évolutions récurrentes ou au contraire spécifiques, ce qui nous permet d'appréhender les facteurs, anthropiques ou naturels, qui peuvent être à l'origine des dynamiques du peuplement. Cette perspective comparatiste a nécessité la mise en place d'indicateurs permettant de décrire le peuplement, donc son intensité, la forme de l'habitat, l'organisation spatiale, de manière uniforme pour toutes les régions, afin de pouvoir comparer les situations dans le temps et dans l'espace. C'est dans cette optique que la notion de réseau a été mobilisée dans les années 90 par un groupe d'archéologues et des géographes qui travaillaient sur le Languedoc afin de caractériser l'organisation spatiale du peuplement et de suivre son évolution depuis les débuts de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge. Le recours à la notion de réseau s'inscrit dans une approche systémique du peuplement, selon laquelle les établissements ne sont pas juxtaposés aléatoirement dans l'espace, mais sont en interaction. Ils échangent des biens, des personnes, des idées. Ils forment donc des réseaux d'habitat. Alors là, je vais préciser, effectivement, nous avons eu une question via le blog sur la signification de l'établissement. Si vous voulez, on y répondra pendant la discussion. Donc c'est la nature et l'intensité des interactions entre les éléments du système, donc en l'occurrence les établissements, qui déterminent la structure, donc l'organisation, du système de peuplement et son évolution. Un modèle qui est couramment utilisé en géographie et assez largement expérimenté en archéologie permet de modéliser les interactions entre les lieux. Il s'agit du modèle gravitaire. C'est donc ce modèle qui a été appliqué dès la fin des années 90 pour caractériser la structure du peuplement antique en Languedoc et d'analyser son évolution dans le temps. Ce modèle a donné lieu par la suite à plusieurs expérimentations sur d'autres périodes ou sur d'autres espaces au sein du même collectif de chercheurs. Donc, tirant son nom de l'analogie avec la loi de la gravitation universelle énoncée par Newton, le modèle gravitaire permet de modéliser l'intensité des interactions entre des lieux en fonction de leur capacité d'attraction respective et de la distance qui les sépare. Donc, selon ce modèle, l'intensité de l'attraction et donc des interactions géographiques décroît en fonction de la distance, très fréquemment sous la forme d'un gradient. Donc, c'est ce qui est représenté ici avec cette équation. Le modèle permet donc de simuler l'aire d'attraction de chaque établissement en fonction de son poids et de la distance qui le sépare des établissements alentours, définissant ainsi des réseaux polarisés par un pôle comportant un ou plusieurs satellites. Il faut noter que la mise en œuvre de ce modèle n'est pas neutre, dans la mesure où il implique un certain nombre de postulats relatifs soit aux interactions entre les lieux, soit au comportement des individus. Les paramètres du modèle concernent d'une part la manière dont l'éloignement entre les lieux est calculé, d'autre part l'évaluation du poids ou capacité d'attraction de chaque lieu. Et c'est ce dernier paramètre, le poids, qui nécessite le plus d'adaptation lors de l'application du modèle à nos situations archéologiques, dans la mesure où le poids d'un établissement ne peut pas être mesuré à partir d'indicateurs directs de sa capacité d'attraction, par exemple des flux de population ou la quantité de services offerts, comme cela est fréquemment le cas en géographie, mais il est dérivé, dans notre cas, d'une estimation de la fonction ou du statut de l'établissement, eux-mêmes estimés à partir des vestiges récoltés en surface ou des rares indications textuelles ou épigraphiques dont nous disposons sur les sites. Donc cela suppose d'accepter une hypothèse forte qui associe l'intensité de l'attraction exercée par un établissement à son niveau de fonction ou niveau hiérarchique. Alors ce niveau hiérarchique, qui est donc un niveau hiérarchique relatif des établissements analysés entre eux et évalués en réalisant une classification de l'ensemble des établissements analysés. La classification repose sur un ensemble de critères ou descripteurs, puisqu'ils décrivent ces établissements. Ces descripteurs sont standardisés de manière à décrire la chronologie, la forme et la fonction de chaque établissement de la même manière pour l'ensemble des établissements étudiés. Et ces descripteurs sont évalués à partir des données recueillies en prospection de surface. L'ensemble des établissements, donc toutes périodes et espaces confondus, sont donc décrits selon une grille commune. Et plusieurs grilles descriptives ont été testées depuis les années 80. Alors, à titre d'exemple, les 1500 établissements occupés entre le 8e siècle avant notre ère et le 8e siècle de notre ère dans les 11 micro-régions étudiées dans le programme Arkedin récemment reposaient donc sur 4 critères: la superficie, la qualité des matériaux de construction, la durée d'occupation de l'établissement et des indicateurs relatifs à sa fonction. Une fois les établissements ainsi décrits, la classification est réalisée en opérant une analyse factorielle des correspondances suivie d'une classification ascendante hiérarchique. Et c'est donc l'interprétation des classes obtenues à l'issue de cette classification, donc que vous avez ici pour la classification réalisée dans le cadre d'Arkedin, qui permet donc d'identifier différents niveaux hiérarchiques de l'habitat. Et ce sont ces niveaux hiérarchiques qui sont utilisés pour estimer le poids de chaque établissement et donc sa capacité d'attraction potentielle dans le modèle gravitaire. L'application du modèle gravitaire à des semi-établissements archéologiques s'inscrit dans une démarche descriptive et exploratoire. Il s'agit d'utiliser un modèle d'organisation spatiale bien identifié, donc le modèle gravitaire, afin de repérer dans quelle mesure la structure du peuplement ancien est conforme à ce modèle d'organisation en réseau polarisé. Il s'agit donc, ça fonctionne donc comme un test qui consiste à vérifier ou à réfuter l'hypothèse suivante. Si le modèle gravitaire génère des réseaux d'habitat, alors la structure spatiale du peuplement est polarisée. Sinon, le peuplement obéit à un autre mode d'organisation spatiale. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de mise en œuvre donc, de ce modèle. Alors, dans ce premier exemple, qui est la première mise en œuvre dont je vous parlais à la fin des années 90, donc en Languedoc, le modèle gravitaire a été appliqué au semi-d'établissement observé à différentes périodes donc dans l'espace entre Nîmes et Montpellier, de manière à suivre l'évolution du peuplement, l'évolution de la structure spatiale, je suis allée trop vite, du peuplement au cours de l'Antiquité. Donc on voit que le peuplement se structure progressivement de manière polarisée au fur et à mesure que les espaces littoraux sont occupés. Et puis ensuite, à partir de la fin de l'Antiquité, on a une réduction du degré de polarisation qui aboutit au Moyen-Âge à un peuplement dont la structure est beaucoup plus homogène. On peut également appliquer ce modèle à des semi-d'établissements contemporains, mais dans des espaces différents, de manière à comparer l'organisation du peuplement. Et dans cette étude, on a comparé l'organisation du peuplement au 1er siècle de notre ère dans 3 micro-régions, en Auvergne, en Languedoc et en Provence. Et le modèle met en évidence différents degrés de polarisation de l'habitat qui peuvent correspondre à différentes manières d'occuper l'espace. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. Simplement, donc, pour vous dire que ça, c'est une première manière d'utiliser la notion de réseau qui est bien différente de celle que vous nous avez présentée ces jours-ci, puisqu'il s'agit de réseaux spatiaux. Mais que justement, depuis récemment, l'intégration de nouvelles données, en l'occurrence des données épigraphiques, permet d'appréhender les réseaux d'une autre manière, et c'est ce que va vous présenter maintenant Marie-Jeanne. Oui, il s'agissait donc, à partir du travail qui avait été fait sur les modèles gravitaires, d'essayer de voir d'autres formes de relations entre les lieux, et à cette fin, donc, j'ai dans ma thèse mobilisé les données épigraphiques. Alors, les données, et puis depuis, donc, j'ai un programme avec une dizaine de chercheurs qui travaillent sur la spatialisation de l'information épigraphique, ce qui n'est pas une tradition hein, chez les épigraphistes, qui sont plus portés à l'analyse du texte plutôt qu'à l'analyse et du monument et de la question de la localisation. Alors, la matière épigraphique, c'est ça, et encore là, vous avez les plus beaux monuments, c'est-à-dire soit un document qui vous donne un nom, Titus Domitius Theodotus sur la partie droite du document, qui a été retrouvé, dont la stèle a été retrouvée à Montpellier, sachant que Montpellier à cette époque-là n'existe pas, mais c'est un établissement rural situé à Pomsar, qui est pas loin de Montpellier. Donc ça, c'est le premier type de document, une personne localisée en un lieu. Et puis, vous avez des documents qui sont beaucoup plus informatifs, comme celui que vous avez à gauche, où vous avez un couple marié, dont c'est l'épitaphe, faite par ses enfants. Hein. Les enfants, il y a une inscription complémentaire qui parle des enfants, qui rend hommage à leurs parents. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'on a deux personnages qui représentent en fait deux familles, puisque dans le monde romain, les femmes gardent leur nom de, on dirait, de jeune fille. Aujourd'hui, simplement, on met un A pour dire que c'est du féminin. Donc, elles ont le nom de leur père, elles le gardent tout au long de leur vie, ce qui fait que ça nous permet de restituer ici deux familles. À gauche, donc, la femme qui a été flaminique, c'est-à-dire que c'est une prêtresse, hein. Et à droite, son mari qui appartient à l'aristocratie locale, mais une aristocratie intéressante puisqu'il fait partie de l'ordre équestre. Il a été tribun et il a joué un rôle à la fois à Nîmes et dans le cadre donc, de l'activité militaire de l'Empire. Donc, d'un côté, un individu, de l'autre, deux individus, mais qui nous renvoient à deux familles importantes. Là, c'est une inscription qui a été trouvée à Nîmes. Et ces documents nous renseignent donc à la fois sur l'identité, mais aussi sur le niveau social. On peut en inférer le niveau social d'un individu. Alors, parfois, quand le document n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'indication, par exemple, sur appartenance à l'ordre aristocratique, moi, j'ai testé des AFC, analyse factorielle des correspondances, sur le monument pour essayer d'en déduire le coût du monument et par là, peut-être un certain niveau social de l'individu qui a fait faire cet objet. Et puis, il y a toute la question, bien sûr, de ceux qui jouent un rôle politique dans la cité. Vous avez vu la cité de Nîmes sur la première vignette, c'est notre laboratoire, puisqu'on a 2000 inscriptions qui viennent de cette cité. Alors, du coup, on a la possibilité de caractériser le territoire par l'implantation des populations, et notamment des élites, mais aussi de mettre en relation des lieux par ce qu'on va appeler ici les réseaux sociaux, même si le terme pourra être discuté. Alors, en ce qui concerne donc cette question de l'inscription spatiale des individus, le premier cas de figure le plus simple, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est un individu localisé en un lieu. Ce n'est pas tellement ce type d'individu qui va nous intéresser ici. Ça nous intéresse pour d'autres questions, mais je ne vais pas développer ce point. Et puis, vous avez ensuite des individus qui vont fonctionner dans des espaces plus complexes, et notamment ici, par exemple, un personnage dont la stèle funéraire a été retrouvée à Lunel-Vielle, qui est un village qui se trouve donc dans la région que j'ai étudiée, à l'ouest de Nîmes, mais qui a exercé donc les fonctions les plus importantes. Il a exercé donc il est arrivé au sommet de la hiérarchie administrative à Nîmes même, c'est-à-dire dans le chef-lieu de cité. Et donc, il a forcément fréquenté ces deux lieux parce que quand on est magistrat d'une cité, on est tenu de résider pendant l'année d'exercice. Donc, on est obligé d'avoir une maison dans ce lieu. Donc, on a un individu qui fonctionne sur deux lieux, Lunel-Vielle et Nîmes. Ensuite, troisième cas de figure, ici, c'est un chevalier. Donc, il appartient à l'ordre équestre. Donc, il a un domaine dans la cité de Nîmes parce que tous les individus qu'on mentionne ici, dans le monde romain, vous ne pouvez pas faire de politique ni être membre de l'administration si vous n'avez pas des biens, si vous n'avez pas un niveau de fortune. Je ne l'ai pas précisé, mais par exemple, dans l'ordre équestre, pour intégrer l'ordre équestre, il faut avoir 400 000 sesterces de fortune pour faire partie du monde sénatorial à partir d'Auguste. C'est 1 million de sesterces. Donc, on a des individus qui ont des niveaux de fortune, vous savez qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'évergétisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre à leur charge la construction d'arènes, enfin d'un amphithéâtre. Donc ce sont des gens qui ont énormément d'argent. Donc ici, vous avez un membre de l'ordre équestre qui a donc un domaine duquel il tire sa fortune, puisque le foncier est un des éléments majeurs de la domination sociale. Donc il a un domaine. Il a exercé les responsabilités principales au niveau du chef-lieu de cité, peu importe le titre, il a été quatuor vir. Et ensuite, donc, il a fait carrière en tant que chevalier. Il a eu d'autres responsabilités, notamment, il a été responsable des finances de Cavaillon, Avignon et Fréjus, parce qu'à cette époque-là, on a déjà des cités qui sont en faillite. Et donc, l'empereur nomme des curateurs, ce qu'on appelle une curatelle, qui va surveiller les finances de cette cité. Et puis, j'ai ajouté le nom d'apte parce qu'en fait, cet individu est honoré comme patron d'apte. Les aptois l'ont choisi comme patron, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable de porter leurs intérêts au niveau supérieur, c'est-à-dire à Rome. Et puis enfin, vous avez la trajectoire de ceux qu'on appelle des sénateurs. Donc là, c'est l'ordre suprême. On retrouve rarement la référence au domaine parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Par contre, là, on sait qu'il a été honoré à Nîmes, donc il est originaire de Nîmes, par des Espagnols, hein, parce que sa carrière à lui, elle s'est déroulée dans plusieurs espaces. Il a joué un rôle important, on y reviendra, en Bétique et en Tarraconaise, où il a exercé des fonctions administratives. Il a aussi, en tant que militaire, dirigé des armées en Dacie et en Pannonie inférieure. Il a été nommé de gouverneur de la Pannonie inférieure à la suite d'Adrien. Et enfin, il a été consul. Donc on a une carrière qui s'est déroulée sur des espaces très différents, que j'ai ici, dans la vignette suivante, cartographiée pour montrer comment ce fonctionnement des individus au niveau spatial s'étoffe, se complexifie et surtout joue à des échelons différents du point de vue géographique selon qu'on est un simple magistrat, et vous avez vu qu'un magistrat c'est déjà important, magistrat d'une cité, ou bien un chevalier, ou encore bien sûr un sénateur. Alors pour le sénateur, je voudrais préciser qu'il y a un effet cumulatif qui vient du fait qu'en fait ce sont des construction, je vais parler des gentes dans un instant, c'est-à-dire des familles aristocratiques, il y a une construction qui se fait dans la durée, parce qu'en fait, pour ce personnage que je viens d'évoquer, celui qui est situé à droite dans le schéma, on a retrouvé, c'est Michel Christol qui l'a relié à un autre personnage, qui lui était simplement un chevalier. Donc entre les deux, il y a un individu dans cette famille, donc on a l'arrière-grand-père ou le grand-père, et puis donc le petit-fils, et entre les deux, quelqu'un est entré dans l'ordre sénatorial. Et donc il y a une construction sociale qui se fait dans la durée, il y a une épaisseur temporelle qui fait que grâce au réseau d'alliances qui vont se tisser, eh bien on a des individus qui sont de plus en plus performants, et ces alliances matrimoniales notamment jouent un rôle très important dans le fonctionnement de ces familles. François Chausson disait que plus on est élevé dans l'aristocratie, plus on se marie en dehors de sa province, et donc les mariages interprovinciaux sont le reflet de cette réussite. Alors l'hypothèse que l'on fait du point de vue spatial, c'est de dire que les individus les plus fortunés vont jouer un rôle dans le développement des territoires, y compris au niveau local, et qu'en retour ils vont, en étant présents dans les capitales ou chef-lieu de cité ou capitale, contribuer au dynamisme des territoires, ce qui est arrivé pour la cité de Nîmes. Donc on peut continuer en disant que, par ailleurs, il faut prendre en compte aussi les fonctionnements en réseaux familiaux, parce qu'il y a des véritables gentes qui fonctionnent en réseau, et la réussite du groupe est au centre de la préoccupation des individus qui la composent. Ces gentes, c'est ce qu'on appelle donc des familles aristocratiques, elles fonctionnent pas seulement sur la consanguinité, puisqu'on y intègre aussi des affranchis. Les affranchis font partie, ils prennent le nom de ceux qui les affranchissent, donc ils font partie de la famille. Et puis ensuite, on a les phénomènes d'adoption entre adultes qui sont très importants aussi pour associer des familles différentes. Et puis enfin, on a tout le phénomène des relations de clientèle qui jouent un rôle aussi dans le contrôle de la vie publique. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir si ça peut nous renseigner aussi sur les dynamiques territoriales, ce qui est le cas. Ici, une cartographie pour vous montrer la localisation d'une famille des Valérie dans la cité de Nîmes, voire l'évolution de leur implantation. L'information cumulée avec l'information qui peut être donnée par d'autres familles permet de penser la dynamique du territoire. Et vous voyez par exemple une chose très simple, c'est le poids de plus en plus important que prend Nîmes dans l'attractivité très importante de Nîmes sur les populations, enfin les familles les plus importantes, celles qui détiennent le capital dans la cité. Et puis, j'avais fait aussi un schéma ici, c'est sur l'ouest de la cité de Nîmes, qui renseigne sur l'évolution. Ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a des liens évolutifs, c'est-à-dire que les couleurs vont renseigner sur les périodes. En orange, ce sont les espaces, et notamment les oppidas proto-historiques, qui ont des liens par le biais des familles avec le chef-lieu de cité jusqu'au milieu du 1er siècle, et puis ensuite, cette relation décline au profit d'autres régions, et notamment, vous voyez que les régions qui sont dessinées en rouge, notamment le littoral et puis le Piémont qui est proche de Nîmes, constituent la région la plus dynamique du point de vue des relations avec Nîmes par le biais donc des familles des gentes à la fin de la période. Alors après, du coup, ça nous permet de réfléchir peut-être autrement, c'est-à-dire que les relations entre les établissements peuvent être pensées autrement que par le modèle gravitaire que j'ai ici dessiné. On peut imaginer effectivement que par le biais donc de ces réseaux familiaux, vous avez un individu qui est présent dans une ferme, enfin surtout une villa, et qui est présent au chef-lieu de cité parce qu'il est magistrat, mais aussi un autre individu qui pourrait être représenté dans son domaine au chef-lieu de cité, mais aussi à Rome, et par le biais d'un affranchi dans une agglomération secondaire, ce qui permettrait de dessiner des relations qui ne sont plus des relations de proximité, comme dans le modèle gravitaire, mais des relations qui seraient plutôt topologiques, c'est-à-dire liées à la relation qui peut s'établir par le biais des individus. Et pour terminer, juste parce que nous venions ici, que nous avons un peu lu ce qui s'était fait, nous avons pensé que, en termes de perspective, on pourrait peut-être tester, mais avec tous les points d'interrogation qui sont ceux que nous avons entendus au cours de ces présentations, c'est-à-dire est-ce que par rapport à ce que je veux faire, c'est-à-dire une mise en ce que nous voulons faire, c'est-à-dire une mise en relation des lieux par les individus, est-ce que les formes telles que le graphe ou bien ces types de relations peuvent être d'une aide pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les dynamiques des territoires. Hein, donc c'est un petit peu ces perspectives que je présente dans ces vignettes, mais il n'est peut-être pas essentiel de les développer, puisque l'essentiel du travail que nous avons fait, c'est le travail qui est antérieur à ces graphes, sachant qu'il y a un certain nombre d'informations, enfin de questions qui se posent à nous, c'est-à-dire comment traiter ce type de données, quel type de relations faut-il considérer, comment les traiter, est-ce qu'on peut distinguer l'individu du groupe, voilà toutes ces questions qu'on a vues au cours de ces rencontres. Voilà. Donc pour conclure, vous voyez qu'on a mis en œuvre deux types de modélisation, deux types de réseaux, toujours avec une perspective qui est la nôtre, hein, c'est-à-dire la question des territoires et de leur fonctionnement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, je vais donner 5 minutes de plus, donc on va mordre sur la discussion. Il n'y a pas de souci. Qui veut prendre la parole? Oui. Donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, on opère une distinction entre un site et un établissement. C'est-à-dire que pour nous, le site archéologique, c'est une réalité matérielle. C'est une concentration de vestiges archéologiques localisés et délimités dans l'espace qu'on perçoit au moment de la prospection archéologique. Donc c'est vraiment cette localisation-là. Alors qu'un établissement, c'est un lieu où l'homme s'est établi au sens large, c'est-à-dire c'est pas forcément un habitat, hein, ça peut être tout type de lieu occupé par l'homme, mais à un moment donné et de manière plus ou moins durable. C'est-à-dire que sur un même site géographique, on peut identifier plusieurs établissements au sens de plusieurs phases d'occupation. Dès qu'un site n'est plus occupé, on sait qu'un lieu... Oui, voilà. Vous avez ici un schéma qui montre, par exemple, on a trouvé en prospection, dans ce qui est en bleu, sur le même lieu géographique, on a trouvé du matériel archéologique nous permettant d'identifier des céramiques datant de ces différentes périodes, du 2e siècle avant notre ère, entre le 3e et le 7e et à la fin de l'Antiquité. Mais comme ces phases d'occupation sont séparées par des hiatus d'occupation, c'est-à-dire que le site a été abandonné, réoccupé, etc., on identifie trois établissements. Sur le plan statistique. Sur le plan statistique. C'est-à-dire que l'établissement, c'est un objet interprété, construit à partir d'une réalité archéologique, et c'est cet individu-là qu'on mobilise. Ce qui nous permet de tenir compte justement des phases d'abandon, de réoccupation, etc. Voilà. Oui. C'est un peu intéressant, mais je suis un peu inquiet du fait que les relations sociales entre les établissements soient définies uniquement par un lien qui concerne les gens, donc vraiment des élites très élevées. Et tout de suite, on passe à la notion de peuplement, de lien entre les établissements et le peuplement, sachant qu'on a affaire à un lien qui est quand même un niveau social. Oui, oui, oui. Alors, il y a deux éléments. D'une part, dans le travail qu'on est en train de construire, on fait une base, nous aussi, sur FileMaker, avec les questions que vous avez posées ce matin sur ensuite comment le transférer, etc. On inclut l'ensemble des individus. D'accord ? Donc, et cet ensemble des individus va nous renseigner sur des éléments que je n'ai pas présentés ici, c'est-à-dire déjà ces individus qui laissent une trace, ce n'est pas n'importe qui. Même si on a quand même sur l'Atte, on a retrouvé donc une nécropole avec toutes les inscriptions d'une trentaine de personnes, où là, on sent vraiment qu'on est chez des petites gens, parce que les pierres sont vraiment, mais presque, c'est une présence très ténue, très fragile, et donc, mais on sait effectivement qu'il y a des gens qui sont enterrés et pour lesquels, effectivement, les traces sont perdues. Hein. Mais pour le commun des mortels, si je puis dire, on va traiter l'ensemble de l'information. Le nom, par exemple, est-ce qu'on a un nom qui est plutôt un nom latinisé, un nom, parce qu'on a aussi toute la question de l'acculturation qui est posée. On va traiter. Il y a la question de la culture sous l'angle de la pratique religieuse qu'on va pouvoir cerner, parce que là j'ai parlé d'épitaphes, mais on a aussi bien sûr des documents qui sont des documents à caractère religieux, très intéressants, parce qu'on a quasiment, on a des comportements très complexes, c'est-à-dire des individus qui ont des noms gaulois mais qui honorent Jupiter, et des individus qui sont parfaitement intégrés, citoyens romains, parce qu'en plus on est dans une cité où les statuts sont différents, hein. Statuts juridiques sont très différents. Donc toute cette information, on va la traiter et essayer de voir si sur le plan spatial, elle nous renseigne sur des degrés d'intégration de la cité, parce que dans l'Empire romain, parce que tous les espaces ne sont pas intégrés de la même manière, et je dirais même la cartographie même des inscriptions renseigne sur un certain niveau d'intégration dans l'Empire, parce que Macmullen a développé l'idée de épigraphique habit. Déjà, l'idée de faire une inscription durable montre quelque chose, hein, par rapport à l'intégration dans l'Empire. Donc toute cette information-là, on va la traiter. Ici, ce que j'ai présenté, effectivement, c'est beaucoup plus réducteur, c'est simplement une réflexion qu'on conduit actuellement sur le rôle de ces individus qui sont extrêmement fortunés, effectivement, dans la capacité à mettre en valeur un territoire. Moi, je viens des cadastres, des centuriations. Hein, donc, j'ai aussi en arrière-plan tout ce travail que j'ai mené dans le Centre d'histoire ancienne dirigé par Pierre Lévesque dans les années 80 à Besançon, où on réfléchissait aussi à la mise en valeur. Et Frédéric aussi travaille sur ces questions-là. Mais ce sont des approches cumulatives, si je puis dire. Mais on sait aussi, et c'est ça qui m'a intéressée, là, on a parlé de Nîmes, mais moi, je travaille aussi sur les ILN de Narbonne. À Narbonne, on sait, et c'est Michel Christol qui l'a montré de manière remarquable, et ça m'a fait penser à ça hier quand on a parlé des serres, les affranchis, par exemple, sont d'excellents relais au niveau territorial pour porter l'activité économique de quelqu'un qui ne peut pas être partout et qui, en plus, ne devrait pas normalement s'afficher comme étant commerçant puisque ce n'est pas une activité qui est digne de l'aristocratie. Mais on sait qu'ils utilisent des prête-noms et donc on voit, par exemple, sur le territoire de Narbonne, un individu qui fait une activité économique très importante en Espagne, hein, qui a des relais à Narbonne, et ces affranchis à lui, ils ne sont pas à Narbonne même, ils sont au fin fond de l'Aude, et donc ils sont en limite du territoire de la cité, mais ils ont une activité que l'on connaît et qui est très importante aussi pour dynamiser ce secteur. C'est un vicus, hein, donc ça c'est une terminologie un peu particulière. Donc on a tous ces relais-là qui me paraissent intéressants. Après, on est vraiment dans la représentation, c'est-à-dire qu'on a des images cumulées, et on va essayer de réfléchir à partir de ces images. C'est un petit peu aussi le modèle gravitaire. J'allais dire que c'est comme le modèle gravitaire. C'est une représentation. Hein. Et donc, à partir de ces représentations, on essaye de penser ce territoire et ses dynamiques. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est qu'il ne s'agit pas effectivement de superposer les deux modèles parce qu'ils n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que le modèle gravitaire appliqué au semi-établissement, c'est un modèle d'organisation spatiale qui essaye de réfléchir sur les relations potentielles entre les établissements. C'est tout ça. Ça nous permet simplement de repérer la structure spatiale du peuplement. Enfin, c'est tout. Alors que le réseau social, tel qu'on peut l'appréhender à partir des données épigraphiques, qui effectivement sont très partielles, parce que non seulement il y a quand même un certain nombre de biais dans la... Enfin, de la même manière qu'en archéologie, mais la donnée épigraphique ne renseigne pas sur l'ensemble des établissements, bien évidemment. Et en plus, même si on a des inscriptions, on n'est pas toujours en capacité de les relier à un établissement. Donc ça nous renseigne que sur certains établissements, sur certaines relations. Mais ça nous donne une autre image des dynamiques territoriales dans la mesure où, comme disait Marie-Jeanne, il s'agit de repérer les endroits, les espaces sur lesquels les capacités économiques des aristocrates qu'on perçoit via l'épigraphie ont la capacité de mettre en valeur et donc de dynamiser et de confronter ça à l'évolution du peuplement que l'on perçoit aussi par ailleurs. C'est-à-dire on voit qu'il y a des zones qui sont occupées dans un même territoire, qui sont occupées de manière plus durable, plus intense, d'autres qui périclitent, etc. Et donc de confronter ces deux images pour voir, en fait, comprendre la dynamique des territoires. Et l'épigraphie peut être un moyen de comprendre les raisons de ces différentes dynamiques spatiales du peuplement. C'est un pari, disons.